tu t'es raté, la l'horreur a commencé. Rallumé en toute urgence en psychiatrie, ta dernière chance, dit ton sommet, t'as rien demandé, ton sommet pour maternelle. Psychiatrie pour tout aller, psychiatrie pour tout aller, psychiatrie pour tout aller, psychiatrie pour tout aller, psychiatrie pour tout aller, psychiatrie pour tout aller, psychiatrie pour tout aller, psychiatrie pour tout aller. Les chirurgiens sont tous pour toi, ils m'ont laissé dans cet état, t'es resté hier, tout leur cachette, qu'à devenir un vrai navet. Tu te cachais matin et soir ton numéro sur ta blouse noire, que tu portes mon cher vignole, beaucoup mieux que la camisole. Pour cette formale sécu sociale, tu deviendras débile mental, ouais ton cerveau va te lâcher, dans ta tête tu vas crever. Psychiatrie pour tout aller, psychiatrie pour tout aller, oh, psychiatrie pour tout aller, oh, psychiatrie pour tout aller, oh, psychiatrie pour tout aller, oh, psychiatrie pour tout aller, oh, psychiatrie pour tout aller, oh, psychiatrie pour tout aller. C'est ton cerveau, t'as plus de problème, moi tout est beau, tous les gens que dans le coltard, quand t'as quelqu'un un trou noir. Mais dites-moi donc de suicidaires qui ont vécu une vie entière à alimenter de fric, vos putains de politiques. Mais dites-moi donc de suicidaires qui ont vécu une vie entière à alimenter de fric, vos putains de politiques. Psychiatrie pour toute ta vie, mon psychiatrie pour toute ta vie, mon psychiatrie pour toute ta vie, mon psychiatrie pour toute ta vie, mon psychiatrie pour toute ta vie, mon psychiatrie pour toute ta vie, mon psychiatrie pour toute ta vie.